Répartition de la charge d'impôt dans l'intégration fiscale. Dès lors qu'aucun formalisme spécifique ne s'applique en matière de convention d'intégration, le Conseil d'État vient de juger qu'une simple note interne au groupe peut déroger à une convention d'intégration alors même qu'elle n'a pas été signée par les parties concernées. Cette jurisprudence bienvenue va donc permettre de conforter tous ceux qui n'auraient pas formalisé par écrit les règles que les membres d'un groupe d'intégration fiscale ont entendu se donner quant à la répartition de la charge d'impôt. Notez aussi que cette décision ouvre la voie à une adaptation au cas par cas de ces conventions afin de tenir compte de la situation de chaque filiale, à condition bien sûr que les principes de respect de l'intérêt social de la société filiale et des droits de ses associés et actionnaires minoritaires soient respectés.